Dans le cadre du week-end consacré par France Culture à Gustave Flaubert, je vous propose ce matin une émission qui avait été diffusée pour la première fois le 30 mars 2013 et qui avait pour invité Michel Vinocq. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés. Tu te souviens ce qu'avait dit le curé un jour ? Non seulement Jésus-Christ était le fils de Dieu, mais encore il était d'excellente famille du côté de sa mère. Quel âme ! Et sur les femmes, qu'est-ce que j'avais donc dit un jour ? Oh, oui. tu as dit la femme a une mission. Le coup de sur l'histoire, le recul vers une période passée, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, Michel Vinocq est devant moi ce matin pour nous parler de l'actualité de Gustave Flaubert. Après s'être saisi naguère de Clémenceau et de Madame de Staël dans le cours de biographies qui ont été fort remarquées, voici qu'il s'attache dans un beau livre qui paraît ces jours-ci à cet autre personnage de haute facture et qui lui donne le goût de considérer ce que celui-ci a encore à nous dire. Je ne parle pas, bien sûr, en disant cela, ce serait d'ailleurs stupide, de ce que son œuvre, en termes littéraires, peut offrir indéfiniment de bonheurs extrêmes. Mais je parle de ce que son personnage d'écrivain dans son siècle peut représenter dans le nôtre, de moderne ou de désuet, de dépassé ou de familier. On pense bien sûr à l'idée que Flaubert peut se faire et qu'il peut promouvoir des relations de l'homme de lettres avec ce que nous appellerions la notoriété médiatique. Avec la politique, avec le peuple et avec les élites, avec la gauche et avec la droite. Fut-il vraiment, comme l'a cru Jean-Paul Sartre, le plus radical désengagé qui se trouve dans la littérature? On pense à la conception de la morale personnelle ou civique qui fut la sienne, la conception des rapports des hommes et des femmes, des bornes de la décence qu'un romancier doit accepter ou qu'il doit refuser. On pense au commerce qu'il a entretenu avec sa patrie et d'autre part avec le rayonnement universel des principes que la France a pu se targuer de promouvoir. On pense encore à la modernité de ce célèbre dictionnaire des idées reçues, catalogue des bêtises de son temps, dont on serait bien fou de dire qu'elles appartiennent toutes au passé. Flaubert disait, je cite, « vouloir vivre en bourgeois » et penser en demi-dieu, par quoi il signifiait probablement à la fois une ambition et une contradiction qui ne sont peut-être pas complètement étrangères à notre temps. Et pour l'écouter aussitôt, pour écouter sa voix, un extrait d'une lettre à George Sand, datée de 1869. Voici ce que j'ai voulu dire en écrivant que le temps de la politique était passé. Au XVIIIe siècle, l'affaire capitale était la diplomatie. Le secret des cabinets existait réellement. Les peuples se laissaient encore assez conduire pour qu'on les séparât et qu'on les confondît. Cet ordre de choses me paraît avoir dit son dernier mot en 1815. Depuis lors, on n'a guère fait autre chose que se disputer sur la forme extérieure qu'il convient de donner à l'être fantastique et odieux appelé l'État. L'expérience prouve, il me semble, qu'aucune forme ne contient le bien en soi. Orléanisme, république, empire ne veulent plus rien dire, puisque les idées les plus contradictoires peuvent entrer dans chacun de ces casiers. Tous les drapeaux ont été tellement souillés de sang et de merde qu'il est temps de n'en plus avoir du tout. À bas les mots. Plus de symboles ni de fétiches. La grande moralité de ce règne-ci sera de prouver que le suffrage universel est aussi bête que le droit divin, quoique un peu moins odieux. La question est donc déplacée. Il ne s'agit plus de rêver la meilleure forme de gouvernement, puisque toutes se valent, mais de faire prévaloir la science. Voilà le plus pressé. Le reste s'ensuivra fatalement. Les hommes purement intellectuels ont rendu plus de service au genre humain que tous les saints Vincent de Paul du monde. Et la politique sera une éternelle niaiserie tant qu'elle ne sera pas une dépendance de la science. Le gouvernement d'un pays doit être une section de l'Institut et la dernière de toutes. Michel Winock, bonjour. Bonjour. Cette lettre de Flaubert à George Sand, datée donc de 1869, était lue sur France Culture par Pierre Michael en février 1983. Je l'ai choisie parce qu'elle me paraît d'emblée fixer ce qui va être le pivot de notre conversation, c'est-à-dire de comprendre ce que cet homme a été dans son siècle et ce que la distance qui nous en sépare peut impliquer d'incompréhension ou au contraire laisser en place de connivence. Au fond, on nous dit que, et vous le dites au début de votre livre, que sa vie et son œuvre s'inscrivent dans le grand siècle de la transition démocratique en France, avec la fin définitive de la société d'ordre, remplacée par une société de classe, avec une montée progressive de la revendication égalitaire, avec l'instauration du suffrage universel, avec la sécularisation de la société, etc. Oui, assurément, il naît en 1821 et il meurt en 1880, c'est-à-dire l'année où véritablement la République est installée. François Furet a écrit un livre sur la Révolution française, 1789-1880, autrement dit, une grande partie du 19e siècle reste encore dans le prolongement de la Révolution, inachevé, et que l'on peut considérer comme véritablement achevé avec la naissance de la Troisième République. Alors il a vécu tout cela, il a été témoin de ces révolutions 1830, surtout 1848, mais aussi la Commune, le 4 septembre 1870, l'instauration de la Troisième République. Il a vu le coup d'État du 2 décembre 1851, il a connu les insurrections ouvrières, bref, toute sa vie est véritablement enracinée dans ce grand bouleversement qui conduit la France de la monarchie quasiment de droit divin à la République parlementaire, laïque et modérée, disons-le. Et en même temps, cet homme refuse constamment la politique. À son cher ami Louis Bouillet, en 1860, il écrit « Jamais de politique, nom de Dieu, ça porte malheur ». Voilà, alors certainement, tous ces épisodes l'ont dégoûté, n'est-ce pas, de la politique, parce que pour lui, comme il le dit dans la lettre à George Sand, la grande politique, c'est une politique diplomatique, c'est la politique des cabinets secrets, etc., et qu'aujourd'hui, c'est une politique qui est fondée de plus en plus sur le suffrage populaire, le suffrage universel masculin qui va être donc établi en 1848, et ça leur révolte parce que il y voit la montée des foules, la montée du nombre, la montée de la vulgarité. Tout cela, par conséquent, l'entraîne à faire des déclarations antipolitiques sans arrêt jusqu'au moment où, alors, dans un premier temps, il croit trouver la solution avec cette chimère qui est de donner la politique, la vie politique, l'autorité politique à une section de l'Institut. Aux scientifiques. Mais c'est plus qu'une boutade, n'est-ce pas? Parce que il croit sincèrement que les politiciens sont des gens nuls et qu'il faut donner les rênes du pouvoir à ceux qui savent, les savants, la science. Mais pendant longtemps, Flaubert refuse précisément, contrairement à beaucoup d'intellectuels ou d'écrivains contemporains, il refuse de se mêler des choses de la cité, en tout cas de s'exprimer. Il dit à un moment donné, toujours à George Sand, un romancier n'a pas le droit d'exprimer son opinion sur quoi que ce soit. C'est un point de vue qui n'a pas toujours été accepté, je ne dis pas que ce soit bien ou mal. Et Flaubert continue, est-ce que le bon Dieu l'a jamais dite, son opinion? Voilà pourquoi j'ai pas mal de choses qui m'étouffent, que je voudrais cracher et que je ravale. À quoi bon le dire, en effet? Là, c'est une conception esthétique aussi qui est en jeu. C'est-à-dire que Flaubert estime qu'un romancier n'a pas à intervenir personnellement dans un roman par ses commentaires, par ses jugements, par ses engagements. Mais remarquez-le, cela n'empêcherait pas que, par ailleurs, en dehors de son œuvre, il ait des convictions, il ait des actions qu'il manifesterait d'une manière ou d'une autre. Par exemple, songeons que le nouveau roman, avec Rob Grien, Claude Simon, Nathalie Sarraute, etc., qui ont fait de Flaubert véritablement une sorte de patron de la littérature, eux s'engageaient. Ils s'engageaient, ils ont participé à des luttes contre la guerre d'Algérie, etc. Mais dans leur œuvre, dans leur roman, ils ne voulaient pas que cette action-là, que cet engagement politique entre, n'est-ce pas ? L'œuvre, eh bien, ça restait pour eux l'art pour l'art, qui était la conviction de Flaubert. Ils réagissaient, en somme, les écrivains du nouveau roman contre les œuvres très engagées. Souvent des romans fleuves de Jean-Paul Sartre, par exemple, ou d'Aragon avec les communistes. Après la guerre, donc après la libération, pendant les années 44-45, Sartre, qui devient le grand philosophe de référence, fait cette théorie de la littérature engagée, et voue aux gémonies, véritablement, tous ces auteurs qui n'étaient pas engagés, étaient des complices, même par leur silence, complices de l'oppression bourgeoise sur la classe ouvrière notamment. Alors, là, nous avons effectivement un changement. Un changement avec ces nouveaux romanciers qui pensent que on peut être tout à fait un citoyen, même un militant, mais en même temps, lorsqu'on écrit une œuvre, on ne doit pas intervenir, faire intervenir ses convictions philosophiques, politiques, etc. dans cette œuvre. Donc Flaubert a été véritablement un modèle pour cela. Il détestait la littérature morale, la littérature à finalité politique ou autre. De ce point de vue, il se réclamait tout à fait de Théophile Gautier, qui, dans la préface de Mademoiselle de Maupin, avait précisément défini ce qu'était l'art pour l'art. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on est dans la même situation que voici un demi-siècle, là, au moment où commençait de fleurir le nouveau roman, quant aux relations entre les écrivains et la vie de la cité ? Oui, je crois que les choses ont encore changé, c'est-à-dire qu'il y a une certaine liberté de parler de soi-même, n'est-ce pas ? Toute cette tendance qui s'appelle l'autofiction va tout à fait à l'encontre de ce qu'était la pensée de Flaubert ou des nouveaux romanciers, par conséquent, qui ne voulaient pas faire intervenir leur moi dans leur fiction. Contre la littérature narcissique. Voilà. Alors aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a plus tellement de références obligées et que chaque romancier, chaque écrivain, ma foi, intervient à sa façon dans son œuvre, soit par des motivations politiques, soit pour des motivations, je dirais, historiques, mais l'histoire est toujours liée un peu à la politique, et on voit bien que les romans d'aujourd'hui ne sont plus, comment dirais-je, sous l'obligation flaubertienne, n'est-ce pas, de l'impersonnalité. Alors nous évoquions Jean-Paul Sartre. Il faut évidemment entendre sa voix, puisqu'il a consacré un millier de pages à Flaubert sous le titre « L'idiot de la famille », livre majeur, très important, que vous évoquez dans votre livre, évidemment, Michel Vinocq. Voici ce qu'il en dit en 1960, dans les années 60, je n'ai pas la date exacte, c'est un disque qui avait été produit par l'Alliance française, toujours à propos de l'engagement. J'ai, bien sûr, été à la fois attiré et en même temps repoussé par le personnage de Flaubert, tel qu'il se présente, par exemple, dans ses lettres. Vous savez que c'est un homme qui est précisément le plus radical désengagé qui se trouve dans la littérature française. Il estimait que l'art seul comptait. En plus, ce personnage donc à la fois fascinant pour moi parce qu'il était le contraire de tout ce que je pensais, et un peu antipathique aussi, parce que précisément, il avait poussé les choses jusqu'à un point trop radical, ce personnage, j'avais envie d'en parler, pour montrer le rapport complexe qui fait que, aujourd'hui, nous ne pouvons plus séparer un homme d'une œuvre. Il y a une espèce de lien entre les deux qu'il faut établir et que le 19e siècle, comme vous savez, niait. Chaque fois que, au 19e siècle, une œuvre était partiellement interprétée par la vie de l'homme qui l'avait écrite, on disait « ce sont des histoires malsaines, ce sont des ragots, ça n'a aucune espèce d'intérêt, ce que nous voulons simplement, c'est qu'on montre la beauté de ce qu'il a écrit. » Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il en soit ainsi. Je ne pense pas que, pour la majorité des lecteurs, un livre puisse être lu en dehors d'une certaine connaissance de l'auteur. Parce que, précisément, c'est par cette connaissance de l'auteur que nous arriverons à comprendre à fond les intentions qui sont dans l'œuvre et, par conséquent, que nous pourrons enrichir celle-ci d'une compréhension nouvelle. Et inversement, une œuvre est un thème de connaissance pour un homme. C'est deux choses, la singularisation de l'œuvre par l'homme et, d'une certaine manière, l'universalisation de l'homme par l'œuvre font le rapport actuel du public à un livre. Du thème de l'engagement, Michel Binoc, on glisse dans ce propos à la question... Est-ce qu'on doit étudier les œuvres en elles-mêmes ou est-ce qu'on doit les éclairer par la biographie des personnages, des auteurs qui les ont offertes à l'humanité? Nous sommes historiens, vous et moi, nous sommes plutôt de la seconde école, non? C'est-à-dire que Sartre dit des choses un peu surprenantes à ce sujet, puisque il avance qu'au XIXe siècle, précisément, on ne s'intéressait pas à la vie des auteurs, mais seulement à la beauté ou non des œuvres. Or, il y a une grande querelle dans l'histoire littéraire qui est celle de Proust contre Sainte-Beuve. Sainte-Beuve, il est en plein dans le 19e siècle et précisément, il s'intéresse tout à fait et avec précision à la vie des auteurs. La théorie de qu'avance Sartre là, c'est un peu celle de Sainte-Beuve. Et Proust le lui a reproché à Sainte-Beuve. Contre Sainte-Beuve, c'est le titre d'un livre fameux de Proust. Oui. Exactement. Bien sûr, Sartre, je crois, a largement raison sur ce point avec Sainte-Beuve, à condition que le critique littéraire, que le biographe ne veuille pas voir dans un roman uniquement des choses biographiques. Mais c'est certain que un homme, une vie, est inséparable d'une œuvre. Une vie, une œuvre. On nous enseignait ça dans nos manuels de littérature au lycée, oui, il y a quelques temps. Séparés. Les chapitres étaient séparés. Alors l'œuvre, à propos de la vie et de l'œuvre de Flaubert, il faut que nous disions un mot de son origine sociale, et de son enfant, de sa jeunesse, ce qui a forcément été pour lui une marque. Flaubert est né d'une famille bourgeoise, et lui, qui a tant détesté la bourgeoisie, était un bourgeois, et d'ailleurs, il le savait parfaitement. Il a vécu de ses rentes. C'est ça qui a été déterminant pour lui, c'est qu'il n'avait pas à gagner sa vie. Il était un héritier, un rentier, jusqu'au moment où il aura des ennuis d'argent qui ne sont pas dus à son propre fait, mais à la faillite de son neveu, jusque-là, pendant toute sa vie, il n'avait pas ce souci. Dans une très large mesure, cela facilitait évidemment son attitude aristocratique par rapport à la littérature, puisque pour lui, il n'était question que d'atteindre à la perfection, à la beauté, c'était pour lui un absolu. On prendrait le temps qu'il faudra pour écrire un livre. Il n'était pas question d'écrire un livre pour le gain, et pas même pour la gloire, en tout cas pour la réputation, la gloriole, comme il dit. Non, on écrit dans une sorte de conviction religieuse de la beauté. Pour y accéder, il faut des efforts considérable. Et c'est cela qui personnalise, qui identifie Flaubert, le soin extrême qu'il met à écrire ses livres, à écrire ses phrases. Il y a des mots à ce sujet qui sont tout à fait remarquables quand il dit, par exemple, que je crève comme un chien plutôt que de hâter ma phrase qui n'est pas mûre. Il y a donc une relation avec le temps de l'écriture qui ne peut pas être celle aujourd'hui d'écrivains qui sont obligés de gagner leur vie. Son père est un chirurgien reconnu à Rouen et il fait partie de l'élite de l'argent qui peut voter à l'époque où le scrutin est censitaire. Dans ce régime censitaire, effectivement, le père de Flaubert, le docteur Flaubert, est un des électeurs et il était éligible également. Il avait des biens, il avait une fortune dont Flaubert a hérité avec son frère. La belle maison de Croisset. La belle maison de Croisset où il a écrit son œuvre. On a néanmoins une correspondance avec son éditeur, Michel Lévy, où il débat assez âprement des droits d'auteur qu'il aura. Oui, parce que là, il a le sentiment d'une profonde injustice. Il faut dire qu'à l'époque, les auteurs, c'est encore une grande différence avec aujourd'hui, n'étaient pas intéressés au pourcentage. Ils avaient un forfait. Et ils vendaient en quelque sorte leur manuscrit pour 10 ans, 15 ans, plus ou moins, et contre quoi on leur donnait une somme d'argent. Et naturellement, Flaubert a été quelque peu heurté par l'attitude de son éditeur Michel Lévy, après que Madame Bovary, son premier roman publié, a été un énorme succès. Et le forfait qui lui avait été donné était assez ridicule par rapport au profit, au bénéfice de son éditeur. Voilà pourquoi il s'est ému. Comme lui-même était incapable de parler d'argent, il a prié ses amis, et en particulier Georges Sand, qui va intervenir plusieurs fois auprès de Michel Lévy pour qu'il accorde à Flaubert des conditions meilleures. Parce que il n'a jamais manqué d'argent donc jusqu'à ces dernières années, mais il menait grand train de vie. Il avait domestique, il avait un appartement à Paris, il menait une vie mondaine à partir du moment où il a été connu, reconnu. Il fréquentait les salons parisiens. C'est quelqu'un qui dépensait pas mal d'argent. Donc, il n'était pas complètement insensible au contrat qu'il signait avec son éditeur. Cet homme-plume, comme il s'est défini lui-même, qui invente un système de vie, une vie consacrée à l'écriture, la passe dans une large mesure dans sa retraite de Normandie, mais comme vous le dites, il va aussi trouver ailleurs, auprès d'un certain nombre d'amis chers à Paris, des occasions de conversation entre hommes aussi. Il y a chez les Goncourt, avec Maxime Ducamp, qui était son compagnon de voyage en Orient, avec aussi Louis Bouillet. On a des plaisanteries assez misogynes. Louis Bouillet, c'est lui qui a écrit ces deux vers vraiment immortel à propos d'une femme. Tu n'as jamais été dans tes jours les plus rares qu'un banal instrument sous mon archet vainqueur. Oui. C'est pas très féministe. Alors Louis Bouillet est un peu nettement oublié aujourd'hui, sinon qu'il a été le grand ami de Flaubert, qu'il a beaucoup aidé Flaubert en relisant ses manuscrits, et Flaubert le lui a rendu en défendant son œuvre avec une belle fidélité. Flaubert a cultivé l'amitié. On peut dire qu'il a été le grand ami, celui dont la porte était toujours ouverte, en particulier à Paris, et on y trouvait un homme chaleureux, drôle, accueillant, qui ne disait jamais de mal des autres par rapport à ses amis. Ça, c'est rare dans le milieu littéraire. Oui, et par rapport à ses amis, les frères Goncourt, qui sont d'horribles pipelettes, n'est-ce pas, et qui n'arrêtent pas de clabauder sur les uns et sur les autres. Surtout dans leur journal, d'ailleurs. Et surtout dans leur journal. Le temps du Second Empire, pendant que Victor Hugo est dans son exil, voit Flaubert très proche de la cour impériale, de la princesse Mathilde en particulier, la cousine de Napoléon III. Oui, il a fréquenté les salons de la princesse Mathilde, qui était une grande dame, protectrice des arts et des lettres. Il a fréquenté le prince Napoléon au Palais Royal, et il a même été reçu à plusieurs reprises par Napoléon III et la princesse Eugénie, qui l'appréciaient beaucoup. Et manifestement, Flaubert a été, s'est senti honoré et n'a pas joué les ermites qui refusaient précisément cette sociabilité mondaine. Écrivain de cour. Oui, écrivain de cour, et en même temps, il a toujours soutenu dans la famille impériale les libéraux, le prince Napoléon. Qu'on appelait Plon-Plon. Plomplom. Le fils de Jérôme Bonaparte. Qui était anticlérical et profondément libéral. Et quand il prononce des discours précisément qui vont dans le sens de la liberté, de l'anticléricalisme, Flaubert, aussitôt, lui écrit « Bravo, recommencez ». Et là, on voit bien, tout en s'accommodant du régime du Second Empire, il reste sur des positions très libérales. Autant il déteste l'égalité, autant il défend, il a défendu toute sa vie, là, le principe de la liberté. Nous parlons des amitiés. Il est intéressant de s'arrêter toujours sous notre lumière d'aujourd'hui, naturellement. Michel Vinocq, sur ses rapports avec les femmes. Et à cet égard, je voudrais vous faire entendre une seconde lettre de lui, une lettre à Louise Collet, qui a été le grand amour de sa vie, qui remonte à 1846 et qui est interprétée ici sur France Culture le 26 septembre 2011 par Fabrice Lucchini. Je suis brisé, étourdi, comme après une longue orgie. Je m'ennuie à mourir, j'ai un vide inouï dans le cœur. Moi, si calme naguère, si fier de ma sérénité, qui travaillais du matin au soir avec une âpreté soutenue, je ne puis ni lire, ni penser, ni écrire. Ton amour m'a rendu triste. Je vois que tu souffres. Je prévois que je te ferai souffrir. Je voudrais ne jamais t'avoir connu pour toi, pour moi ensuite, et cependant ta pensée m'attire sans relâche. J'y trouve une douceur exquise. Ah, qu'il eût mieux valu en rester à notre première promenade. Je me doutais de tout cela. Quand le lendemain, je ne suis pas venu chez Phidias, c'est que je me sentais déjà glisser sur la pente. J'ai voulu m'arrêter. Qu'est-ce qui m'y a poussé? Tant pis, tant mieux. J'ai pas reçu du ciel une organisation facétieuse. Personne plus que moi n'a le sentiment de la misère de la vie. Je ne crois à rien, pas même à moi, ce qui est rare. Je fais de l'art parce que ça m'amuse, mais je n'ai aucune foi dans le beau, pas plus que dans le reste. Tu n'as pas voulu me croire quand je t'ai dit que j'étais vieux. Hélas, oui, car tout sentiment qui arrive dans mon âme s'y tourne en aigreur, comme le vin que l'on met dans des vases qui ont trop servi. Si tu savais toutes les forces internes qui m'ont épuisé, toutes les folies qui m'ont passé par la tête, tout ce que j'ai essayé et expérimenté en fait de sentiments et de passions, mais tu verrais que je ne suis pas si jeune. C'est toi qui es enfant, c'est toi qui es fraîche et neuve, toi dont la candeur me fait rougir. Tu m'humilies par la grandeur de ton amour, tu méritais mieux que moi. Que la foudre m'écrase, que toutes les malédictions possibles tombent sur moi si jamais je l'oublie. J'observe, Michel Vinocq, que dans le journal des Goncourt, auquel vous faisiez un instant allusion, parlant de Flaubert, à l'issue d'un de ces dîners d'hommes qu'ils aimaient faire ensemble, avec Alphonse Daudet, avec Bouillet, avec d'autres, les Goncourt disaient « Flaubert est un faux cochon, se disant cochon et affectant de l'être, pour être à la hauteur des cochons vrais et sincères qui sont ses amis. » Et il dit qu'il préfère en réalité secrètement les amitiés voluptueuses et les galanteries sentimentales. Il y a une ambivalence chez Flaubert en face du sexe faible, comme on disait à l'époque. Il y a le tourisme sexuel en Orient, et puis il y a ce goût d'organiser, de maintenir un commerce affectueux à distance. Et pour ça, la correspondance est très bienvenue. Certainement. Alors dans cette société virile, où il fréquente donc les écrivains de son temps, et notamment les Goncourt, il n'est jamais question d'amour. Mais il est toujours question de femme, il est toujours question de sexe. Et on en parle avec les mots les plus crus. On se vante de toutes ces expériences amoureuses. L'amour, par conséquent, est interdit, occulté, et pourtant, comme le dit Goncourt, Flaubert est un sentimental. Il est un sentimental, mais d'une certaine espèce quand même, parce que on ne peut pas dire qu'il soit exemplaire dans son commerce amoureux avec les femmes. Outre les prostituées, les petites femmes, les comédiennes, etc., qu'il a su fréquenter, il a été véritablement épris deux ou trois fois dans sa vie. Une première fois quand il était adolescent et qu'il a aimé éperdument et de manière platonique Elisa Schlesinger, qu'il avait rencontrée sur la plage de Trouville. On en a fait une véritable légende qu'il faut largement relativiser, mais c'est vrai que ça a été pour lui la première grande expérience du cœur. Et puis, il a aimé véritablement Louise Collet qu'il a rencontré à Paris. elle-même est tombée amoureuse de lui tout de suite, alors qu'il n'avait rien écrit, notons-le, parce qu'il était à ce moment-là un très bel homme, intelligent, qui avait une merveilleuse culture, etc. Elle était séduite tout de suite. Et lui a été épris, on ne peut pas dire le contraire, ça n'a pas duré longtemps. Et il a connu avec Louis Collet des amours orageuses, parce que, imaginez-vous, qu'il vivait presque tout le temps dans son ermitage de Croisset, qu'elle était à Paris, et elle ne comprenait pas pourquoi ils se rencontraient si peu souvent. Et lui répondait, mais nous pourrions ne pas nous voir pendant 10 ans, mais je t'aimerai toujours. C'est très curieux cette attitude, mais pourquoi? Parce que cette espèce de télé-amoureux, c'est-à-dire d'amoureux qui aiment de loin. À distance. C'est l'attitude de l'écrivain qui a mis son œuvre, son art, au-dessus de tout. Et il dit, de manière assez sauvage, à Louis Collet dans une de ses lettres, « L'amour n'est pour moi qu'un assaisonnement, ce n'est pas le plat principal. » Alors, imaginez cette pauvre Louis Collet recevant de telles lettres. Moi, j'imagine assez bien, oui, elle devait être un peu chagrine. Et par la suite, bon, c'est une relation qui était promise à la rupture, ce qui a eu lieu, mais pas tout de suite. Hein. Et grâce à cette relation, nous avons une correspondance magnifique avec des lettres de Flaubert à Louise. Louise, qui était écrivain, qui faisait de la poésie, et il lui donne des leçons, lui qui n'avait encore rien écrit. Enfin, si, il avait beaucoup écrit, mais il n'avait rien publié. Donc, ce sont des lettres magnifiques. Mais par la suite, il a été également profondément épris d'une gouvernante de sa nièce qui s'appelle Juliette Herbert et qu'il vivait jusqu'à la fin de sa vie et qui vivait en Angleterre. Et en Angleterre, ça lui allait très bien parce que il se voyait très rarement, quelques jours par an, soit à Londres, soit clandestinement à Paris. Et c'est vraiment un comportement qu'on s'explique mal aujourd'hui. Vous croyez? Enfin, je ne développerai pas la question de savoir si ce type de relation existe ou non aujourd'hui. Laissons la question ouverte. Cela renvoie aussi à Balzac et Madame Anska. Oui, si vous voulez, il y avait ce genre de... Oui, mais était-ce voulu aussi férocement, n'est-ce pas, que dans le cas de Flaubert? Car Flaubert, véritablement, on a l'impression que c'est un système. Il veut aimer, ça lui est presque nécessaire, mais au fond, aimer de loin, c'est ce qu'il y a de mieux. La relation que Goncourt fait de leur réunion d'hommes renvoie aussi à une autre interrogation, qui est celle du degré de pudeur que l'écrivain doit maintenir dans son œuvre. Évidemment, l'actualité d'un certain nombre d'écrits récents nous renvoie directement au procès de Madame Bovary, puisque il a été traîné en justice, il a été traîné dans le prétoire, comme on le sait, pour des propos à l'intérieur de l'œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes un peu stupéfaits de voir ce qui pouvait indigner la justice de son temps, la justice impériale et le procureur, le fameux procureur Pinard. L'écrivain était sous la surveillance de la censure. Et ça, c'est désuet. Oui, alors, évidemment, aujourd'hui, on a du mal à le croire. Mal à croire que Madame Bovary pouvait passer pour un roman quasiment obscène. Il y a dans Madame Bovary une charge érotique qu'on ne soupçonne plus, parce que nous sommes tellement habitués précisément à la liberté de l'écriture, aux confessions des uns et des autres, et à tous les romans érotiques qui sont en vente libre, ce qui n'existait pas à l'époque. Ce qui est assez récent, d'ailleurs, il y a 40 ans, il y avait encore des procès contre, oui, Régine Deforge ou Jean-Jacques Pauvert. Mais au 19e siècle, éditeur, évidemment, c'était extrêmement difficile de pouvoir narrer des situations amoureuses ou érotiques sans tomber sous le coupe de la censure. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, justement, ce procureur Pinard, en lisant Madame Bovary, a tout de même le sentiment que c'est un roman extrêmement érotique. Or, ça le renvoie à ses propres fantasmes, peut-être, le cher procureur Pinard. Peut-être, oui. Mais la critique génétique, c'est-à-dire ceux qui s'occupent véritablement des manuscrits, des brouillons, des plans, des scénarios qui ont été rédigés avant le livre, s'aperçoivent que, pour le cas de Madame Bovary, Flaubert parle de ses amours avec une crudité de vocabulaire qu'on ne soupçonne pas. Et on voit bien que l'érotisme, il l'a dans la tête et sous la plume dans ses brouillons. Alors, quelques exemples des écrits de Flaubert, que le procureur Pinard, heureusement, n'a pas connu, puisqu'ils sont restés dans ses papiers. Par exemple, Madame Bovary est noyée de foutre, de larmes, de cheveux, de champagne. Le coup se tire dans la chambre, sur cette causeuse où ils ont tant causé. Il la fout à mort, elle ne l'en aime que mieux. La manière dont elle l'aimait était profondément cochonne. Elle l'aime comme un godemiché, tour à tour putain et chaste, selon qu'elle voit que ça lui plaît. J'aurais dû vous le laisser lire, Michel Vinocq. Vous lisez très bien. Quand il passe à la rédaction de l'œuvre, évidemment, il n'y a plus ces obscénités. Mais les gens de l'époque, les contemporains, ont bien ressenti que, entre les lignes notamment, et le procureur Pinard, lui, il sentait bien cela aussi. Seulement, il n'a pas pu le coincer, si je puis dire, parce que il n'a pas trouvé les expressions obscènes qui seraient évidemment l'objet d'une condamnation. Et Flaubert a échappé à la condamnation, il a reçu simplement un blâme. Mais alors, vous savez, à propos des femmes, il y a quelque chose qu'il faut signaler qui est étonnant, c'est l'amitié qu'il a avec un certain nombre de femmes. Et une amitié, bon, nous avons évoqué George Sand, et c'est une grande amitié. George Sand, qui a une quinzaine d'années de plus que lui, qui ne cesse de le tutoyer alors que lui l'avoue soi, eh bien, cette amitié-là, elle se reproduit avec d'autres femmes comme Emma Roger Desrogettes, avec une inconnue qu'il n'a jamais vue, qui s'appelle Le Royer de Chantepie, et cette demoiselle d'Angers qui a été éblouie par Madame Bovary, qui lui écrit de longues lettres, qui finit par se confier, comme si Flaubert pouvait être son confesseur, son directeur de conscience, etc. Ils ne se verront jamais, et il y a entre eux une correspondance d'une grande beauté, et avec des lettres interminables, et c'est magnifique. Alors revenons-en, Michel Vinocq, revenons-en à la politique, aux relations de Flaubert avec les mouvements, les passions, les pulsions de son temps, et en particulier, évidemment, venons-en à l'importance que la révolution de 1848 a eue pour lui et pour en permettant l'apparition de ce très grand livre qui est L'éducation sentimentale. Je vais vous faire en entendre un extrait. C'est le moment où le peuple envahit les Tuileries. Cet extrait est lu par Maurice Germain le 7 juin 1956. Une joie frénétique éclata, comme si à la place du trône un avenir de bonheur illimité avait paru. Et le peuple, moins par vengeance que pour affirmer sa possession, brisa, lacéra les glaces et les rideaux, les lustres, les flambeaux, les tables, les chaises, les tabourets, tous les meubles, jusqu'à des albums de dessins, jusqu'à des corbeilles de tapisserie. Puisqu'on était victorieux, ne fallait-il pas s'amuser? La canaille s'affubla ironiquement de dentelles et de cachemire. Des crépines d'or s'enroulèrent aux manches des blouses, des chapeaux à plumes d'autruche ornaient la tête des forgerons, des rubans de la Légion d'honneur firent des ceintures aux prostituées. Chacun satisfaisait son caprice. Les uns dansaient, d'autres buvaient. Dans la chambre de la reine, une femme lustrait ses bandeaux avec de la pommade. Derrière un paravent, deux amateurs jouaient aux cartes. Bussonnet montra à Frédéric un individu qui fumait son brûle-gueule, accoudé sur un balcon. Et le délire redoublait son tintamarre continu des porcelaines brisées et des morceaux de cristal qui sonnaient en rebondissant comme des lames d'harmonica. Puis la fureur s'assombrit. Une curiosité obscène fit fouiller tous les cabinets, tous les recoins, ouvrir tous les tiroirs. Des galériens enfoncèrent leurs bras dans la couche des princesses et se roulaient dessus par consolation de ne pouvoir les violer. D'autres, à figure plus sinistre, erraient silencieusement cherchant à voler quelque chose, mais la multitude était trop nombreuse. Par les baies des portes, on apercevait dans l'enfilade des appartements que la sombre masse du peuple entre les dorures, sous un nuage de poussière. Toutes les poitrines haletaient. La chaleur de plus en plus devenait suffocante. Les deux amis, craignant d'être étouffés, sortirent. Dans l'antichambre, debout sur un tas de vêtements, se tenait une fille publique, en statue de la liberté, immobile, les yeux grands ouverts, effrayante. C'est là, Michel Vinocq, où le peuple devient la canaille. c'est beaucoup plus ambigu que cela, l'attitude de Flaubert. Parce que si le peuple, c'est la canaille, la bourgeoisie n'est pas très bien traitée par lui non plus. À vrai dire, lorsque la révolution de février 1848 éclate, Flaubert se précipite à Paris, ça l'intéresse. Non pas qu'il ait des convictions, il s'en moque de la monarchie de Juillet, qu'elle tombe, qu'elle s'écroule, peu importe. Quant à la République qu'il remplace, il n'y croit pas, mais il veut voir, il veut être là en observateur, parce que pour un écrivain, c'est magnifique de se retrouver dans les manifestations, dans la prise des Tuileries, et avec son ami Maxime Ducamp, par conséquent, effectivement, il veut voir la Révolution avec beaucoup de distanciation, d'ironie. Il pense que tous les acteurs sont des imbéciles ou à peu de choses près, parce qu'ils sont grandiloquents, parce qu'ils sont chimériques, etc. Mais en tout cas, la révolution de 1848 va marquer profondément son œuvre, puisque on va la retrouver dans l'éducation sentimentale, effectivement, puis dans Bouvard et Pécuchet. Si il emploie quelque part l'expression « ignobles ouvriers », c'est dans sa correspondance, du reste, c'est pas dans l'éducation sentimentale. C'est que, à côté d'ignobles ouvriers, il disait les affreux bourgeois ou les imbéciles de paysans. C'est tout le monde qu'il exécrait et non pas les seuls ouvriers qu'il connaissait, entre nous, assez peu du reste. Puisque son univers, c'est l'univers de la bourgeoisie, la bêtise, c'est la bêtise de la bourgeoisie. Quant aux ouvriers, il les voit de loin. Dans l'éducation sentimentale, s'il y a un héros positif, comme on disait jadis, c'est du Sardier, le commis, c'est l'homme du peuple qui va être à la fois le héros et la victime de la République. C'est bien là un choix. Et je me demande si, dans ce choix, il n'y a pas l'influence de George Sand. Parce que George Sand, au moment où il écrit l'éducation sentimentale, évidemment, il lui en parle, et elle lui dit « Oh mais enfin, tu vas pas écraser ces pauvres patriotes, ces ouvriers, ils ont été vaincus tout de même !» Et lui de répondre « D'abord, je ne juge pas ni les uns ni les autres, mais je te garantis, lui dit-il en substance, que quant aux bourgeois, eh bien, je vais les écraser véritablement. » Et de fait, les personnages les plus odieux de l'éducation sentimentale, c'est l'homme d'affaires d'Ambreuse, c'est le petit bourgeois Roque, c'est Martinon, l'arriviste, il y a cette droite conservatrice, ce parti de l'ordre qu'il exècre. Et puis il y a l'odieux Sénécal qui représente le socialisme autoritaire qu'il n'aime pas davantage. Mais entre les deux, il y a cette figure étonnante de Dussardier qui est un homme véritablement du peuple, un culte, mais qui a une foi sincère. Il croit dans la République et il se fera tuer, n'est-ce pas, pour elle. Il faut néanmoins, à propos des socialistes, montrer ou rappeler la dureté de Flaubert à l'égard en particulier de ses théoriciens. Oui. Dont vous venez d'évoquer là, il écrit par exemple « L'idéal de l'État, selon les socialistes, n'est-il pas une espèce de vaste monstre, absorbant en lui toute action individuelle, toute personnalité, toute pensée, et qui dirigera tout, qui fera tout ?» C'est déjà annoncé peut-être certains totalitarismes que, à l'Est, nous avons connus. Il dit aussi, à propos des socialistes, du programme socialiste, le rêve du socialisme, n'est-ce pas de pouvoir faire asseoir l'humanité monstrueuse d'obésité dans une niche peinte en jaune, comme dans les gares de chemin de fer, et qu'elle soit là, à se dandiner sur ses couilles, ivre, béate, les yeux clos, digérant son déjeuner, attendant le dîner, et faisant sous elle. » Fin de citation. Oui, alors le socialisme qu'il dénonce, il le tire de ses lectures, et en particulier des socialistes utopiques. Et il faut bien dire que parmi ces socialistes utopiques, il y a des rêves de société tellement égalitaires qu'on peut en frémir et discerner dans la littérature utopique quelque chose qui, vous avez prononcé le mot, qui ressemble à un monde totalitaire. L'égalité, c'est son ennemi. Flaubert ne peut pas supporter l'égalité, car, encore une fois, il a vraiment une conscience aristocratique de la littérature, de l'art, et que la société démocratique annoncée par Tocqueville, cette société qui va faire que chacun aura la même condition, tout cela va vulgariser complètement les relations, la production littéraire, la production artistique. Il n'y a pas encore l'expression société de consommation, société de masse, mais c'est bien cela qu'il dénonce à l'avance. Contre le suffrage universel, en fait. Oui, alors quant au suffrage universel, pour lui, c'était vraiment le symbole de la montée du nombre, de la montée des masses, des foules. Cependant, il faut préciser qu'il s'est rallié à la République dans les années 70. Il était convaincu que la droite conservatrice, c'était bien pire que la République. Donc Thiers, qu'il avait détesté en fait sous Louis-Philippe, il se rallie à son idée de république conservatrice dans les c'est années 1800. C'est cela, et là il y a un moment tout à fait délicieux, c'est que Thiers, qu'il appelait le roi des prud'hommes, qui incarnait véritablement la bêtise bourgeoise à ses yeux, devient son héros parce que il défend contre la majorité monarchiste de l'Assemblée une conception de république bourgeoise, parce que c'est le régime qui nous divise le moins, une république sans idéologie, sans appel aux grands principes, et ça convient parfaitement à Flaubert. Il refuse d'ailleurs l'idée chrétienne d'égalité, qui est au fondement de la période de l'ordre moral, des débuts de la république qui ne veut pas en être. Alors c'est une période où Flaubert se passionne pour la politique. Il est l'adversaire résolu de MacMahon, de l'ordre moral, et il dit ceci dans ces années-là, deux choses me soutiennent, l'amour de la littérature et la haine du bourgeois résumé, condensé dans ce qu'on appelle maintenant le grand parti de l'ordre. À telle enseigne qu'il a eu à l'égard de la Commune une attitude plus nuancée qu'on ne le dit souvent. Oui, parce que naturellement, il n'a pas apprécié la Commune. Mais il y avait quelque chose de commun avec les communards. C'était, avant que la Commune n'éclate du reste, c'était le patriotisme, la volonté de se battre contre l'envahisseur. Et pendant toute la guerre de 70, on voit un Flaubert qui n'accepte pas la résignation, qui ne veut pas de la paix, qui veut se battre, et du reste il s'engage un moment dans la garde nationale dont il devient un lieutenant à Rouen. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout partagé cette espèce de résignation, de demande d'armistice qui était la grande opinion bourgeoise de l'époque. Oui, c'est-à-dire l'idée qu'il valait mieux protéger la société que défendre la patrie, alors que l'idée de patrie était assez étrangère à Flaubert au début. Exactement. Elle devient prégnante. Il décrit même à un de ses amis, l'idée de la paix m'exaspère. Et il devient patriote, ce qu'il n'a jamais été, parce qu'il ne supporte pas l'invasion du territoire, et il se réclame même de 93, c'est-à-dire de la révolution de 93, de 1793, en disant « je les ai enfin compris ». Donc vous voyez comment ce bourgeois réactionnaire conservateur change complètement, et que vis-à-vis de la Commune, au fond, ce qu'il reproche aux communards, c'est d'avoir surtout transféré l'hostilité qu'on avait pour les Prussiens, pour l'envahisseur, vers justement la Révolution. Il leur reproche d'avoir détourné la passion patriotique, au fond. C'est le temps où il rédige son fameux dictionnaire des idées reçues, un petit livre, mais qui touche si fort, si profond, qui est en fait une anthologie de la bêtise qu'il déteste. Je voudrais vous faire entendre un petit extrait de ce livre avant, Michel Vinoc, que vous ne le commentiez. Philosophie. On doit toujours en ricaner. Pitié, toujours s'en garder. Place, toujours en demander une. Police, a toujours tort. Prêtres couchent avec leurs bonnes et en ont des enfants qu'ils appellent leurs neveux. C'est égal, il y en a de bons tout de même. Principe, toujours indiscutable. On ne peut en dire ni la nature ni le nombre, n'importe, sont sacrés. Progrès, toujours malentendu et trop hâtif. Quadrature du cercle. On ne sait pas ce que c'est, mais il faut lever les épaules quand on en parle. Religion, là, est nécessaire pour le peuple. Républicain. Les républicains ne sont pas tous voleurs, mais les voleurs sont tous républicains. Cet extrait du Dictionnaire des idées reçues, donc, de Flaubert, est lu par Françoise Lebrun sur France Culture le 25 juin 2001. Au fond, Michel Binocq, le message central du Dictionnaire des idées reçues de notre Flaubert, c'est que la bêtise du bourgeois réside dans un contraste entre une assez basse défense de ses intérêts matériels et d'autre part la solennité de son discours, qui n'exclut pas un certain psittacisme, une répétition exactement un peu paresseuse des propos que l'on a entendus et que l'on répercute à son tour. Flaubert a été fasciné par la bêtise depuis son enfance. Le Dictionnaire des idées reçues ne l'a pas écrit d'un coup. C'est au fond une collection, nous appellerions cela de perles. Une collection de perles, mais qui étaient les lieux communs que tout le monde reproduisait à son époque. Avant et après 1870, il commence avant et on voit des corrections. Par exemple, à l'Allemagne, il écrit d'abord « Toujours blonde et rêveuse » et il ajoute après 71 « Mais quelle organisation militaire !» Voilà. Il n'a pas cessé de l'enrichir, ce dictionnaire. Il ne l'a jamais publié, c'est un ouvrage posthume, évidemment. Qu'est-ce qu'il peint là-dedans? Là, il y a un aspect social qui me paraît assez net, c'est tout de même, comme toujours chez lui, c'est la bourgeoisie, la petite bourgeoisie. Tenez, prenez l'exemple de ce qu'on a entendu sur la définition des prêtres et de la religion. C'est toute l'attitude d'un Homais, par exemple, ou de la bourgeoisie sous la monarchie de Juillet. Homais, c'est le pharmacien de Madame Bovary. Voilà. Toute cette bourgeoisie, petite bourgeoisie de la monarchie de Juillet qui se défie de l'Église, qui en parle avec ironie parfois, mais néanmoins qui pense que tout cela c'est très utile, et notamment pour le peuple, c'est très utile pour le peuple. Alors il y a un mélange comme cela de ricanement et en même temps de respect. Ça, c'est un des lieux communs, certainement, de l'époque de Flaubert. Alors aujourd'hui, il est certain que nous ne ferions pas exactement le même dictionnaire des idées reçues, parce que nos lieux communs ne sont pas les mêmes. Mais je crois qu'il y aurait matière, n'est-ce pas, à en faire un en plusieurs volumes. Oui, on trouve certains propos qui restent probablement d'actualité. On se plaint amèrement du déséquilibre du budget. On tonne contre le libre-échange qui serait cause des souffrances du commerce, ce qui permet d'ailleurs de vituperer les Anglais au passage, tous riches, etc., etc. Je oui. pense qu'on pourrait faire une sélection dans ce dictionnaire, j'y engage mes auditeurs, en voyant ce qui est mort et ce qui est encore vivant parmi les clichés que l'on répète ad nauseam. Mais je crois que tout cela s'est enrichi prodigieusement avec le développement des médias en particulier. Cette réflexion sur la bêtise aboutit aussi à un livre majeur qui est son dernier ouvrage, Bouvard et Pécuchet. Je vais vous faire entendre un extrait du téléfilm qu'en a tiré Jean-Daniel Verrègue en 1989 avec deux grands acteurs dans le rôle des deux personnages éponymes, comme on dit aujourd'hui, Jean Carmet qui interprète Pécuchet et Jean-Pierre Mariel qui interprète Bouvard. Toutes les stupidités, les bévues, tous ces jugements péremptoires, souvent cruels. Quel trésor nous allons laisser. Tu te souviens de ce qu'avait dit le curé un jour? Non seulement Jésus-Christ était le fils de Dieu, mais encore il était d'excellente famille du côté de sa mère. Quel âne. Et sur les femmes, qu'est-ce que j'avais donc dit un jour? Oh, oui. tu as dit, la femme a une mission importante à remplir. Elle est destinée à être la compagne de l'homme. Ah oui. Hein? La femme. Oui. C'est Jean-Claude Carrière qui a adapté Bouvard et Pécuchet pour ce téléfilm. Michel Binocq, est-ce qu'ils sont si bêtes? C'est de la réalité, ils prennent la distance avec la bêtise elle-même. C'est un livre assez énigmatique dans la mesure où il est inachevé, d'abord, et on s'est interrogé beaucoup sur ce que voulait dire Flaubert là-dessus, dans ce livre. Bouvard et Pécuchet passent pour des exemples même de la bêtise à double visage, mais en fait, on a vu dans l'extrait qu'on a entendu que la bêtise, il commence à en prendre conscience au fur et à mesure qu'ils font leur lecture, énorme lecture, comme Flaubert, du reste, faisait d'énormes lectures, et ils acquièrent bientôt cette faculté qui est propre à l'auteur, Flaubert lui-même, de discerner la bêtise, y compris dans les œuvres savantes. Et nous avons dans les brouillons de Flaubert toute une série de citations qui sont prises dans les médecins de son temps, les astronomes, etc., etc. On a pensé que Bouvard et Pécuchet était un livre contre la science, puisque ces deux copistes se livrent à toutes les expériences possibles, à toutes les études possibles, de la chimie à la littérature, etc. Et ils en finissent par un scepticisme absolu, parce que tout est contradictoire, rien n'est vrai. Or, il ne s'agit pas d'un pamphlet contre la science, mais contre la mauvaise méthode dans la science, et surtout contre la religion de la science. Parce que Bouvard et Pécuchet voudraient une science certaine. Ils voudraient une science dogmatique qui dise, dans toutes les disciplines, la vérité absolue. Or, Flaubert sait très bien que la science reste incertaine, évolutive, et que les vérités d'hier ne sont pas les vérités d'aujourd'hui. Loin d'attaquer la science, il la défend, il la promeut. La preuve est que nous en parlions, il voudrait que le gouvernement soit aux mains des savants, que la science domine. Mais il n'a pas cette religion de Bouvard et Pécuchet de la science. Donc il n'est pas un tenant, un sectateur de l'idée du progrès comme ressort d'une amélioration universelle de l'humanité. Et par là, quant aux ambivalences du progrès, il me paraît pouvoir sonner assez contemporain par rapport à la période de Jules Verne ou de ces grands chimistes qui nous expliquaient vers 1880, Marcellin Berthelot et d'autres, que la chimie, par exemple, allait donner à l'humanité toutes les chances de la paix et de la prospérité absolue. Oui, c'était aussi l'idée de Renan en 1848 avec son livre « L'avenir de la science ». En notre temps, on en est revenu. Par conséquent, Bouvard et Pécuchet peut sonner très moderne. Certainement. Il y a, justement, c'est un contre-exemple, évidemment, de gens qui croient en la science, alors que la science est fondée sur une recherche qui demeure toujours discutable. Et le principe d'incertitude qui est au cœur de la recherche scientifique, eh bien, Bouvard et Pécuchet ne l'ignoraient complètement. Et c'est ce dont Flaubert se moque. Merci beaucoup, Michel Levinhoc, merci. Votre livre, auquel je renvoie tous nos auditeurs, s'appelle Flaubert et vient de paraître aux éditions Gallimard. Vous pourrez retrouver une bibliographie complète sur notre site et les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et bien sûr, vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, Jeanne Guéroux et Louise Barré, notre stagiaire, réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Kevin Lebars, à la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archivinas Stéphanie Place. Vous venez d'entendre une émission qui avait été diffusée pour la première fois le 30 mars 2013, avec Michel Levinhoc, une émission qui s'intitulait « Actualité de Gustave Flaubert ». La semaine prochaine, nous nous retrouverons autour d'une émission qui sera consacrée à Marguerite Yourcenar. Vous savez, celle qui prononce les phrases de notre générique. Et mon invité sera Henriette Levillain.